l'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Cayrouga. Les hydrocarbures non conventionnels comme les pétroles ou les gaz de schiste sont des ressources très recherchées maintenant que le pétrole et le gaz facilement disponibles commencent à s'épuiser. Leur exploitation est plus difficile, plus coûteuse et demande plus d'énergie, ce qui fait que parfois il faut 1 litre de pétrole pour extraire 1 litre de pétrole. Bref, une histoire de shadow. L'exploration et l'exploitation de ces hydrocarbures génèrent aussi de nouveaux risques environnementaux parce que ces gaz et ces pétroles sont généralement plus sales, mais aussi parce que les déchets chimiques toxiques et les boues de forage sont en augmentation. Enfin, les techniques sur lesquelles on a peu de retours d'expérience présentent des risques de pollution des nappes phréatiques et de l'air, comme cela est montré dans le film Gasland. La fiabilité de ces techniques à moyen et long terme n'est pas non plus démontrée, en particulier dans les zones sismiquement instable ou à la suite de remontées inattendues de pression dans les forages profonds, comme en 2010 avec le blowout de la plateforme d'Elgin en mer du Nord. En France, la législation tend à interdire ces exploitations non conventionnelles depuis quelques années. On croit même que plus jamais il n'y en aura. Pourtant, vous allez le voir aujourd'hui, rien n'est moins sûr, d'autant que les accords internationaux type TAFTA et CETA fragilisent encore les législations nationales. C'est pour cela qu'en France, les collectifs locaux restent très vigilants, même s'ils sont peu médiatisés en ce moment, et c'est l'un d'entre eux que nous vous proposons de rencontrer cette semaine. Il s'agit du collectif Non au gaz de schiste 65. Alors, bonne écoute à tous. Nous sommes avec Catherine, Maurice et Robert, bonjour. Avec vous, on va parler du permis de Saint-Griède. Alors, c'est quoi cette histoire de permis de Saint-Griède, Catherine ? Saint-Griède, c'est dans le Gers, c'est une petite commune du Gers. Et ça ressemble à quoi, Saint-Griède ? En fait, c'est de la campagne, c'est de l'agriculture. Hein ? Oui, Saint-Griède, c'est une toute petite commune qui est dans la campagne du Gers. Et le Gers, c'est déjà un département qui est très agricole et tout à fait rural. Alors, qu'est-ce qu'il cherche, cette société australienne ? Alors, ils recherchent des hydrocarbures. La question, c'est que quels hydrocarbures il y a là, et est-ce que ça ne serait pas des hydrocarbures dits non conventionnels, c'est-à-dire qu'on ne peut récupérer qu'avec fracturation hydraulique. Et c'est ça qui nous inquiète. Alors, est-ce que vous le savez ? Est-ce que vous savez ce qu'il y a ? Est-ce qu'on vous le dit ? Qu'est-ce qu'ils cherchent ? Eux le savent peut-être. Il y a très très peu de renseignements. On a pu voir sur Internet, on peut voir le premier dépôt de dossier de permis. Et comme il y a une loi qui interdit la fracturation hydraulique en France, il y a bien une lettre qui dit « Nous nous engageons à ne jamais utiliser la fracturation hydraulique ». Mais il y a tellement d'incertitudes là-dessus qu'on ne sait pas ce qu'il peut y avoir. Il faut dire aussi qu'il y a le permis, mais que les recherches n'ont pas encore commencé, puisque ce permis a été prolongé de 2013 jusqu'au 31 mai 2018, mais que pour l'instant, l'exploration proprement dite, c'est-à-dire les recherches, les camions de vibrosismiques, on ne les a pas encore vus. Hein, ils ont eu des recherches, je pense, de bibliographie ou sur ce qui avait été fait dans les années 80. Alors vous êtes vigilant parce que ce permis de recherche, il pose peut-être un petit peu problème, non ? Ben, surtout, il pose problème parce que c'est plus d'actualité de rechercher des hydrocarbures, tout simplement. Hein. Il y a une loi sur la transition énergétique. On sait bien que si on continue à utiliser des énergies fossiles, on va continuer à réchauffer l'atmosphère. C'est pas ça qu'on veut. Voilà, donc il faudrait de toute façon ces hydrocarbures les laisser dans la terre partout. Alors qu'est-ce que vous faites, vous, face à ce risque en fait qui est près de chez vous ? On croyait tous ces dossiers un petit peu enterrés. Qu'est-ce que vous avez décidé de faire ? Curieusement, on a découvert ce permis par un article de presse localement sur les Hautes-Pyrénées. On n'avait pas d'informations qui laissaient à penser qu'il y avait un permis de recherche d'hydrocarbures sur le secteur. Et c'est un article de presse de la Dépêche, je crois, sur les Pyrénées-Atlantiques, fin 2016, qui fait état d'un jugement du tribunal administratif de Pau, enjoignant l'État à prolonger le permis sous peine d'une astreinte de 3 000 euros par jour. Voilà. Et suite à cet article, on s'est dit, tiens, qu'est-ce que c'est ? Et ben, on a commencé à se renseigner et on s'est regroupé en collectif localement. On a pris contact avec le collectif du Gers, qui était historiquement déjà impliqué sur ce dossier. Voilà, et on s'est renseigné et on a constitué un dossier qui nous a permis ensuite d'aller vers des questionnements en direction des élus locaux et nationaux. Alors ces élus étaient au courant ? Eh bien, paradoxalement, comme nous, pas du tout. Apparemment, dans le processus de ce dossier, en 2015, je crois, ils ont reçu, certains élus localement avaient reçu un dossier. C'était, semble-t-il, au moment où l'entreprise avait fait une demande de travaux d'exploration, qui a été d'ailleurs retoquée par la suite par un arrêté ministériel de Ségolène Royal. Et bien, à cette occasion, les élus ont reçu, sans information particulière, un dossier très épais, qu'ils ont rangé soigneusement, apparemment, dans les placards. Le permis donc, d'exploration avait fait l'objet d'un arrêté d'interdiction, plus ou moins bien motivée, parce que je crois qu'elle avait motivé en faisant état de risque de trouble à l'ordre public. C'est ce qui avait permis au tribunal administratif de Pau de donner gain de cause à l'entreprise. Voilà, donc nous, découvrant cette histoire, nous nous sommes tournés vers les élus et puis nous avons cherché à les informer, les interpeller pour que, ma foi, ils s'emparent de nos interrogations et puis du souci des citoyens localement qui s'inquiétaient par rapport à ce permis. Ouais, enfin, beaucoup d'opacité dans cette histoire, alors que les risques sont quand même assez importants. Quels sont les risques encourus si nous avons affaire à des hydrocarbures ou des gaz non conventionnels? C'est quoi les risques pour l'environnement et les populations qui vivent dans cet environnement? Pour revenir sur l'opacité, ce qui est caractéristique de ce genre de dossier, c'est que les citoyens, les élus locaux ne sont pas informés. Ça, on vient de le dire. Le circuit se passe au niveau du ministère et de ses représentants localement, c'est-à-dire les préfectures. Voilà. Donc, et les élus n'ont finalement pas à se prononcer sur une quelconque autorisation ou pas. Pour ce qui concerne l'impact de ce genre de permis d'exploration, ben, il y a un impact au niveau de l'environnement. Déjà, si les travaux avaient été engagés, l'utilisation des engins et puis du sondage du sol par vibrosismique, c'est non négligeable par rapport à l'environnement. Voilà, c'est quand même des appareils qui perturbent pas mal au niveau du sol. C'est-à-dire, même au niveau de la recherche, on est dans l'exploration, il y a des risques. Quels sont-ils globalement ? Ben, c'est des risques qui sont liés à la structure du sol, puisqu'on secoue, on envoie des ondes qui provoquent des ondes sismiques. Voilà, donc il y a une incertitude sur l'impact que ça peut avoir en sous-sol. C'est-à-dire, par exemple, ça peut avoir une influence sur le réseau hydrographique, ce genre de choses? Voilà, il peut y avoir un impact au niveau des nappes phréatiques, des micro-fissures qui peuvent se constituer, voilà, avec migration possible des eaux. Voilà. Mais ça, il faudrait pouvoir l'analyser suite à une expérimentation locale, quoi. Voilà. Mais c'est non négligeable en termes de désagrément pour la population. Ben, ça fait du bruit, puis ça secoue. Je crois qu'il y a déjà eu des recherches par vibrosismique, mais ça remonte à déjà... j'aurais pas l'information précise, mais du côté de Castel Nos rivières basses, il a été fait mention à un moment donné, puisqu'on a recueilli des témoignages, mais il y a déjà très longtemps, enfin plusieurs dizaines d'années, apparemment, il y a déjà eu des sondages de cette nature-là, et les gens s'en souviennent en ce qui concerne le désagrément en termes de secousses. Voilà. Et d'autant que vous n'êtes pas très loin de zones relativement sismiques, c'est aller peut-être appuyer là où c'est pas très bon, parce vous êtes près des Pyrénées, avec un risque sismique réel. C'est surtout Piémont qui est concerné sur le Val d'Adour, je ne sais pas, mais effectivement, c'est une zone qui est marquée quand même par des risques sismiques. Moi, je voudrais rajouter que la question, il vaut mieux pas en trouver du pétrole, parce que pour l'instant, on est calme, parce que le baril de pétrole conventionnel, il a un prix très bas, et donc aller exploiter des hydrocarbures non conventionnels, c'est pas rentable encore. Mais on sait bien qu'il va pas rester forcément à ce prix-là, et que si le prix du baril de pétrole monte, à ce moment-là, ça sera de plus en plus intéressant pour les sociétés d'aller chercher et d'aller exploiter ce pétrole. Donc on est sur le fil. Pour l'instant, tout va bien, comme disait le type qui tombait du 20e étage, mais on aimerait bien que ça s'arrête là, quoi. Alors c'est étrange que ces sociétés se positionnent déjà sur des permis, n'entament absolument pas les recherches, mais gardent ça bien au chaud, au cas où le cours du pétrole augmenterait. C'est ça en fait le risque. Oui, parce que non seulement elles gardent ça bien au chaud, mais en plus elles réclament le renouvellement, elles le réclament tellement qu'elles sont allées devant les tribunaux pour obtenir leur renouvellement, et les tribunaux leur ont donné raison. Donc ça veut dire qu'elles ont quand même un intérêt, et effectivement si les travaux ne sont pas commencés, c'est sans doute que pour l'instant c'est pas très intéressant d'aller chercher des hydrocarbures par ici, mais si un jour ça le devient, elles ont toutes les possibilités pour le faire, et c'est ça qui nous inquiète. Il y a peut-être ça aussi, mais il y a peut-être aussi le fait qu'en France, il y a eu une forte mobilisation ces dernières années et on garde ses permis bien au chaud, mais on ne prend pas le risque d'être le premier à aller chercher et de risquer encore un soulèvement. On attend peut-être que tout le monde s'apaise un petit peu et que tout ça retombe, non ? Du moins, ça peut être une vue, mais il y en a une autre plus cynique. Les grandes compagnies pétrolières se répartissent le marché. C'est-à-dire que Total a abandonné le territoire, mais là, la semaine dernière, Total a fait sa première exploitation de gaz de schiste en Algérie. Donc voilà, donc Total est présent ailleurs. Donc la France, ça sera gaz to grid, ou Vermillon qui est juste à côté. Voilà, ça c'est, à mon avis, ils sont organisés au niveau de ceux qui recherchent et qui exploitent le pétrole et toutes les énergies fossiles. Donc il y a deux manières de voir les choses, hein. Soit effectivement on attend patiemment, il y a un peu de ce côté-là dans la spéculation, mais je pense que c'est une répartition du marché qui leur permettra plus facilement de s'opposer aux lois de chaque État. Puisque une société australienne et l'État français, c'est une difficulté juridique. Une société algérienne et une société française, ça peut être une autre difficulté juridique. Et c'est toujours au profit de ceux qui recherchent. C'est pas au profit des territoires concernés. Oui, parce que je suppose qu'on parle peut-être un petit peu d'emploi. Chaque fois que ces sociétés arrivent, elles doivent dire, comme c'est souvent le cas, « Oh, mais on va créer de l'emploi localement ». Oui, je ne sais pas si cet argument a été beaucoup avancé, parce que ce type d'exploitation, c'est pas... Bon, il y a un temps, il y a une phase de recherche et de mise en place du chantier, d'exploration et d'exploitation, mais derrière, je ne sais pas si c'est tellement créateur d'emplois localement. Par contre, il peut y avoir des retombées de subsides financières au niveau des communes, des collectivités. Ça, effectivement, ça peut être un intérêt. On reconstruit la salle des fêtes, on restaure l'église, ce genre de choses pour étouffer le plus rapidement possible toute velléité face à l'envie. On va faire une petite pause musicale en avant. Babe, don't try to call. My heart is sticking and a shawl. Just won't wait. Alors on revient dans les Hautes-Pyrénées, à la limite du Gers, à Maubourguet, pour parler de ce permis de Saint-Gried, permis donc accordé à une société australienne pour aller prospecter, on ne sait pas trop quoi, du gaz, du pétrole, comment, on ne le sait pas non plus. C'est un petit peu l'opacité. Vous m'avez dit que vous étiez allé voir des élus, alors je suppose locaux, qui ont dû vous écouter, voir un petit peu les dangers que ça pouvait représenter, peut-être conscients pour... dans des zones agricoles comme ici, en particulier une zone avec de la vigne, hein, Madiran qui veut faire du vin de qualité, ça va être assez compliqué de mener sur un même territoire ces deux exploitations de la terre qui sont antinomiques et très différentes. Les élus nationaux, parce que vous avez des représentants nationaux, députés, vous êtes peut-être allé voir jusqu'à des ministres, quel a été leur accueil ? Les élus de terrain et les maires, je pense qu'il y a une partie d'entre eux qui... n'appréhende pas la totalité du problème qui est posé si ce genre de recherche existe sur leur territoire. Donc, ils ne nous ont pas suivis. On en a en gros quatre qui ont pris le temps de nous accueillir. en gros, il y en a quatre, on pourrait même les nommer, mais qui nous ont accompagnés dans notre effort d'information auprès de nos concitoyens. Et puis, après, il y a les élus qui ont un mandat qui est plus large que leur commune. Et là, on a à chaque fois été reliés, que ce soit le conseiller départemental qui est intervenu et auprès du ministre et auprès de la préfète, que ce soit Madame la députée pour la circonscription, que ce soit la députée européenne du territoire qui est aussi intervenue auprès de Nicolas Hulot directement. Toutes ces personnes-là nous ont été un relais. Par contre, force est de constater que quel que soit l'élu, celui qui a donné l'autorisation, le ministère, il ne s'explique pas, il ne répond pas. Et c'est-à-dire qu'un député qui pose une question pour son territoire n'a pas de réponse de la part du ministère. Je pourrais vous lire la dernière réponse qu'a reçue notre député. Elle date du 1er septembre. Donc je passe la petite phrase. Le texte est très court, mais il y a un passage qui est très sympathique. On nous dit, donc c'est sa chef de cabinet qui répond, hein, « Attentif à votre requête, le ministre m'a aussitôt chargé de demander à ses services d'étudier ces éléments afin qu'une réponse puisse rapidement vous être apportée. » Donc nous sommes le 1er septembre 2017. Nous sommes donc aujourd'hui en mai 2018 et la réponse n'est toujours pas arrivée. Donc on en est à ce degré de, comment dirais-je, je n'engage que moi et peut-être pas le collectif, mais j'appellerais le mépris qui sont donnés à des citoyens qui ne font que poser des questions pour s'informer et partager ce savoir, cette connaissance auprès des autres. On n'est même pas dans une hypothèse d'aller prendre des bâtons pour aller chasser le vilain prospecteur de pétrole. On n'en est pas là du tout. On veut des informations. Ben voilà, donc c'est le mépris. C'est assez terrible. Oui, juste pour compléter, le mépris est d'autant plus regrettable, c'est que, donc après nos interventions, le permis a été prolongé, je crois que c'est en date du 8 décembre, donc c'est bien après qu'on soit intervenu auprès du ministère. Avant le vote de la loi sur la fin de l'exploitation des hydrocarbures en France. Voilà, donc on a du mal quand même à accepter ce type de déni de démocratie, on peut le dire comme ça, quoi. Même une semaine avant, c'est-à-dire la loi était en discussion au Parlement, elle était prête à être votée, et une semaine avant, vite, le ministère s'est dépêché de signer les renouvellements de permis. Pas que sur ce permis-là, mais sur cinq autres. Et donc, il y a ce côté, on vous dit qu'on va interdire les recherches d'hydrocarbures, mais en fait, par derrière, vite, on continue à autoriser les sociétés à aller en rechercher, quoi. Donc, c'est un peu le double discours qui nous agace. Et oui, parce que c'est ça qui est terrible, vu de l'extérieur, quand on n'en est pas sur les territoires concernés, en général, on se dit les choses avancent plutôt bien. Il y a toute une série de lois qui sont en train de créer un contexte législatif pas trop favorable à ce genre d'exploration, d'exploitation. La loi Jacob 2011, déjà, a mené quelques avancées. Alors, la loi Jacob, un petit point d'histoire, nous sommes en 2011, à un moment de forte mobilisation dans l'Ardèche, dans d'autres endroits de France, concernant la recherche, le gaz de schiste. Et il y a eu la conjonction de ces fortes mobilisations et de la diffusion de films venant du Canada et des États-Unis pour alerter sur cette question. Donc, à un an d'une élection présidentielle, dans un contexte de forte mobilisation, la loi Jacob est passée. Et on en est content que cette technique de fracturation hydraulique soit interdite sur le territoire français. Parce que c'est ça qu'a amené cette loi, c'était l'interdiction d'une technique d'exploitation de ces gaz. Si on se rappelle bien, il y avait toujours le débat sur, on ne peut pas hypothéquer le futur. Donc il y avait toujours la discussion, mais on aura peut-être besoin de ces énergies. On a besoin d'indépendance nationale concernant notre alimentation en produits d'énergie fossile. Tout ça, c'était le contexte qui a abouti à quand même, qui s'inscrit également dans la démarche autour de la COP 21. Donc il y a eu tout un contexte, on va dire, dans un premier temps, qui est favorable au moins à la sensibilisation et au fait que les énergies fossiles doivent rester dans le sous-sol. Donc la fracturation, qui était le moyen vanté par un certain nombre de gaziers, probablement en France, est interdite. Mais ça n'empêche pas l'importation de gaz issu de ces fracturations via notre société nationale Total. Donc ça fait partie de la contradiction. Donc, c'est-à-dire on ne va pas en faire chez nous, mais on va le faire chez les autres et on va l'amener chez nous. Et voilà. Et donc, certains diraient que c'est l'hypocrisie, mais donc voilà. Donc il y a eu, on est dans ce contexte-là. On va rester sur ce contexte législatif qui est plutôt favorable aux citoyens et à l'environnement en France. Il y a eu une réforme du code minier en janvier 2017. gaz et huile de schiste en France sont interdits. Mais... Alors là, vous allez confirmer, cette réforme du code minier, elle a eu lieu sous l'ancien gouvernement, hein, et elle n'a pas été menée au bout. C'est-à-dire que la loi n'a pas été complètement votée avant les élections présidentielles. Donc en fait, elle n'est pas encore, elle a pas cours, cette réforme du code minier, ça c'est la première chose. Il y a eu la loi Hulot après, en décembre 2017. Oui, parce que alors déjà, cette loi, il y avait cette avancée, c'est-à-dire on n'était plus que sur la technique, on était aussi sur l'origine de la ressource, du produit qu'on cherchait. Par contre, ça ne changeait rien sur tout ce qui était autre forme qu'on ne connaît pas, parce que c'est vrai que gaz et pétrole de schiste, on a entendu beaucoup parler. Après, il y a des choses comme les tight gaz, les gaz de couche. Qu'est-ce que c'est ça? Quelqu'un peut me dire ce que sont ces tight gaz et gaz de couche? Alors, déjà le terme gaz de schiste et pétrole de schiste n'est pas géologiquement tout à fait correct. On doit dire c'est hydrocarbures non conventionnels qui recouvrent différentes sortes. Mais ce sont surtout des hydrocarbures qui ne sont pas utilisables comme juste en faisant un forage. Pour les récupérer, il faut aller fracturer les couches de schiste ou d'autres roches dans lesquelles ils sont. Les gaz de couche, ce sont des gaz qui sont dans les mines de charbon, dans les anciennes mines de charbon, et donc c'est le grisou, et qui se récupère avec fracturation aussi en partie, quoi. D'accord. Et là aussi, ça pose des soucis, en fait, puisque voilà, les gens ne connaissent pas, mais c'est, là aussi, il faut aller secouer toutes les couches géologiques pour les avoir, et donc toujours ces histoires de secousses qui... Donc pour le cas des mines en France, c'est une question de sécurité aussi pour les territoires. Donc ce gaz-là, il est difficile de s'opposer à son prélèvement. De fait, puisque pour les zones qui sont maintenant sinistrées où les mines n'existent plus, laisser des galeries avec le gaz qui circule, qui s'échappe partout, pose des problèmes de sécurité. Des endroits, elles ont été noyées, comme la Lorraine. Et là, par contre, bonjour pour les habitations, pour les personnes, puisqu'il y a des fissures de sol et ainsi de suite. Donc, au niveau de ce qu'on appelle le grisou, il y a un équilibre à trouver entre la sécurité, qui est la conséquence de cette activité qui a, eu lieu dans de nombreuses parties du département des territoires français. Et donc, voilà, celui-ci, on le met un peu de côté. Par contre, tout ce qui est le reste des énergies fossiles, on est dans une autre problématique. D'accord. Alors, il y a aussi le droit de suite, hein, qui, dans cette réforme du code minier, était maintenu. C'est-à-dire, le droit de suite, c'est quand on a un droit de prospection, on a de manière quasi automatique le droit d'exploitation. C'est juste un petit document administratif de rien du tout. Et ça n'a pas changé non plus. Ce sont des choses qu'on voit dans la loi Hulot, qu'on nous vend comme une grande avancée, c'est-à-dire en 2040, c'est fini. Alors, qu'en est-il ? Oui, alors effectivement, c'est toujours la loi Hulot dit qu'on ne peut plus donner de nouveaux permis de recherche. Mais les permis de recherche qui existent peuvent être prolongés, continués. Et effectivement, le droit de suite existe, c'est-à-dire qu'une société qui a fait des recherches et trouver quelque chose qui est exploitable peut avoir le permis d'exploitation. Après, la date de 2040, c'est que normalement, on ne prolonge pas ces permis ni de recherche ni d'exploitation après 2040, sauf si la société qui demande la prolongation peut montrer qu'elle n'a pas suffisamment exploité d'hydrocarbures pour pouvoir rembourser ses investissements. Donc, si elle fait la démonstration qu'elle a beaucoup investi et que si elle s'arrête en 2040, elle n'aura pas récupéré assez de quoi couvrir ses investissements, fait assez de profit dessus, et ben, il pourra continuer après 2040. On peut leur faire confiance pour faire des investissements au dernier moment, pour être sûr de voilà, acheter du nouveau matériel, disant que le précédent n'était plus bon, pour avoir un peu plus le droit d'exploiter. Là, je voudrais revenir sur une chose avec vous. Vous m'avez parlé tout à l'heure, alors ici, sur votre petit coin des Hautes-Pyrénées, tout près du Gers, alors que Total est implanté à moins de 100 km d'ici, à de grands bureaux et le site historique de Lac. Bizarrement, c'est pas lui qui demande les permis ici, une société australienne. Total, lui, va en Algérie. Et on a plein d'exemples comme ça dans le monde où, bizarrement, ce ne sont pas les sociétés qui sont à proximité qui demandent les permis d'exploration et d'exploitation. Et tout ça dans un contexte de CETA. Est-ce que vous faites un lien entre ces accords transnationaux et cette répartition un petit peu étrange des choses ? Mais le CETA, c'est un accord de libre-échange qui a été signé, enfin négocié avec le Canada et qui encadre donc les activités industrielles, les échanges commerciaux et ainsi de suite entre les pays. Dans ce cadre-là, une société, bon, par exemple ici sur le secteur, la société Vermillon, qui est une société canadienne, est implantée sur le secteur. Elle exploite des puits d'hydrocarbures conventionnels. Voilà. Mais dans un contexte de hausse du prix du pétrole, les entreprises pourraient être tentées d'influencer, de mettre un peu la pression sur les décideurs, sur les gouvernements, pour pouvoir utiliser et revenir sur la fracturation hydraulique. Même sur ça. Même sur ça, ben disons que le CETA, le jour où il sera validé au niveau des parlements, sera en totale application. Et dans ce cadre-là, les entreprises privées pourront, si leurs intérêts sont entravés et que des décisions d'un gouvernement portent préjudice à leurs intérêts, pourront saisir des tribunaux d'arbitrage privés qui se prononceront sur ce préjudice causé. Voilà. Et dans ce cadre-là, il y a fort à parier que les gouvernements seront en difficulté. Voilà. Comme le Québec s'est déjà retrouvé en difficulté face au sein du Canada par rapport à ses exploitations. C'est ça. Et puis comme les entreprises au niveau mondial ont des liens entre elles d'un pays à l'autre, donc même si une société est installée aux États-Unis, il suffit qu'elle ait un lien au Canada pour que... Voilà. Donc là, on n'a aucun souci à se faire. Ils sont assez maître dans ce genre de stratégie. Voilà, donc le CETA, pour nous, c'est un cadre supranational qui nous interpelle et qui nous permet de penser que la législation française peut évoluer dans un sens qui serait défavorable, notamment au niveau d'exploitation des hydrocarbures avec des techniques non conventionnelles. Bon, c'est pas gagné, les amis. Vous êtes des citoyens un petit peu lambda. Quand vous avez vu ce dossier dans votre coin, vous êtes monté en collectif. Vous êtes allé chercher où l'info pour créer un collectif? Ça, c'est bien quand même de donner à d'autres personnes qui, comme vous, se retrouveraient face à cette opacité, qui auraient eux aussi envie d'en savoir plus sur ce qui se trame et se prépare dans leur sous-sol. Il y a des sites, vous êtes rapproché d'associations nationales qui peuvent aider à la création des collectifs? Alors c'est assez simple, hein, lorsqu'on a découvert cette situation au travers d'un article, ma foi, on s'est renseigné sur Internet, sur la toile, et puis on a eu contact, on a pu observer qu'il y avait un collectif national qui recensait un petit peu tous les collectifs locaux qui se sont mobilisés depuis des années et des années sur ces dossiers. Alors ce collectif national, c'est le collectif Non au gaz de schiste. Voilà, c'est ça, Non au gaz de schiste. Voilà, bon, je n'ai pas l'adresse en tête, mais bon, il suffit de le taper sur Internet et bon, c'est assez direct, assez facile à trouver. Voilà, et puis localement, on a pu bénéficier d'une aide conséquente, puisque le collectif Non au gaz de schiste du Gers, qui est fortement impacté aussi par ce permis de Saint-Gried, s'est historiquement mobilisé bien avant nous sur ce dossier. Voilà, et donc on a pu, en rentrant en contact avec eux, bénéficier de leur expérience, des informations qu'ils ont pu nous apporter, et ça nous a permis d'avancer, quoi. En même temps, le fait que nous ayons démarré notre collectif, ça a redynamisé aussi la mobilisation des citoyens sur ce dossier. Très bien. Alors on pourra citer aussi Coalition Climat, les Amis de la Terre, France Nature Environnement, qui peuvent être, quand ils sont bien implantés localement, des aides, des supports et voilà. Des gens qui peuvent aider à être vigilants simplement. Il n'est question ici que de vigilance. Le mot de la fin pour Cathy. Oui, je voudrais dire qu'il ne faut pas penser qu'on est des simples citoyens, qu'on n'y connaît rien, qu'on ne va pas y arriver. En fait, on peut s'informer, on peut trouver des choses chacun, on n'est pas trop bête. Le code minier, on peut le lire sur Internet. Le ministère de l'Environnement, il y a certaines choses dessus, il n'y a pas tout. Et ensuite, on échange nos infos. Et c'est ça qui est intéressant. C'est de pas de se dire, ce n'est pas les spécialistes, on n'a pas besoin d'être spécialistes. Nous, on peut se mettre au courant nous-mêmes et se mettre au courant les uns les autres. Et ça, c'est important. Et moi, je voudrais juste reprendre le vocabulaire qu'on utilise beaucoup dans les sphères gouvernementales en ce moment, transformation. Je serais tenté de dire qu'il faut libérer les sources d'énergie, l'exploitation, voilà, et préparer les alternatives qui permettent de produire localement, puis de consommer localement, y compris au niveau de l'énergie. Surtout parce que c'est en général quand on l'a fait voyager, cette énergie, qu'elle se perd sans être utilisée, en particulier l'électricité. Merci à vous et bon courage dans votre combat. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'était l'ours et la carotte, écoutable sur Internet.